Chapitre 24. Hyperespace, le gaze électrique. Le vaisseau amiral de Mark Yonro traversait l'hyperespace, mais d'une façon qu'aucun autre vaisseau de la galaxie ne pouvait imiter. Sa trajectoire n'était pas tracée, se déplaçant d'une zone d'accès à une autre le long d'une hypervoie bien définie. Non, le gaze électrique ne se déplaçait pas. Il se livrait à des manœuvres. L'énorme appareil plongeait et se redressait, effectuait des virages incroyablement serrés, se faufilait dans de petites ramifications de la route principale pour aboutir à un méta-espace tout à fait inédit. Il suivait des chemins invisibles qu'on ne pouvait emprunter deux fois. C'était Marie Santeca qui traçait cette trajectoire, et Mark Yonro la laissait diriger. Elle disposait du contrôle absolu sur les systèmes de navigation du vaisseau, alors si le voyage se révélait parfois un peu mouvementé, voire effrayant, quelle importance. Ses trajets la rendaient heureuse et lui faisaient du bien. Il la laissait donc mettre à l'épreuve ses théories, expérimenter de nouvelles idées. Piloter le gaze électrique la calmait et lui donnait une impression de sérénité, de sorte que quand Mark Yon lui demandait des sentiers spécifiques, elle pouvait les lui fournir sans s'épuiser ni piquer une crise. Au travers d'un hublot, il observa les paysages étranges et irréels dans lesquels elle conduisait l'appareil. C'était comme voler dans une tempête de neige aux flocons semblables à des fleurs de lumière vert vif. Magnifique et effroyable à la fois. En temps normal, les voyages dans l'hyperespace offraient une expérience radicalement différente. On entrait sur une voie, on poursuivait dans un tourbillon immuable de néant pendant un temps, puis on ressortait dans l'espace réel. Mais le parcours de Marie ressemblait à celui d'un insecte véloce qui volerait d'un bourgeon à l'autre, changeant de direction sans se plier aux diktats de l'inertie, de l'accélération ou de la décélération. Ce talent avait un prix en usure et en carburant. Même si le gaze électrique était équipé pour endurer l'épreuve grâce à un réacteur à sentier unique, le tout premier en fait, d'un aspect semblable à ceux des autres appareils Nihil, mais aux capacités grandement améliorées. Les réacteurs à sentier permettaient au Nihil de transcrire les sentiers en données de navigation qui seraient rejetées par tout système conventionnel car vus comme impossibles. Ils étaient la clé de leur présent et de leur avenir. Mark Yon possédait le vaisseau géant depuis bien longtemps. Auparavant, il avait appartenu à son père, tous deux hantant comme des spectres ces immenses espaces intérieurs conçus pour des milliers d'hommes et de femmes d'équipage. Mais le temps et les trahisons avaient réduit ses occupants à quelques-uns seulement. Les héros, père et fils, n'avaient pas de monde d'origine. Ils l'avaient abandonné depuis bien longtemps. Le vaisseau était ce qui se rapprochait le plus d'une patrie pour Mark Yon, tout comme Marie Santeca était ce qui se rapprochait le plus d'une famille pour lui. L'œil des Nihil lança un regard à la femme étendue devant lui. Elle se trouvait dans une capsule hermétique, oblongue, dotée d'une vitre frontale. Des câbles la reliaient à l'alimentation de la passerelle et de grandes cuves de produits chimiques variés bouillonnaient non loin de là, injectant leur contenu dans la capsule par l'intermédiaire de divers tubes. La machine était une sorte de capsule médicale géante conçue pour préserver la santé et le confort de Marie autant que faire se pouvait pour une humaine qui avait passé depuis longtemps les 100 ans d'existence. Marie était plongée dans la concentration particulière qu'elle mobilisait lors de ses trajets. Ses yeux clignaient tandis qu'elle traçait dans le maelstrom de l'hyperespace des chemins que son esprit avait le pouvoir unique de déceler. Aucun autre être n'en semblait capable, et aucun avis droïde ne s'en approchait. Les cerveaux droïdes pouvaient calculer un trajet sur des chemins définis, mais la méthode de Marie n'avait rien à voir. Elle distinguait les routes entre les routes grâce à un mélange d'instinct et d'analyse mathématique inconsciente à un niveau qu'elle-même n'aurait su expliquer. Mark Yon le lui avait demandé, bien sûr, à maintes reprises, tout comme son père et sa grand-mère avant lui. Si l'on parvenait à reproduire le don de Marie Santeca, il n'y aurait plus aucune limite à ce qu'on pourrait accomplir. Marie avait essayé, mais cela revenait à détailler pourquoi il y avait toujours plus d'étoiles, même lorsqu'on voyageait loin ou lorsqu'on scrutait intensément l'espace. Certaines choses existaient, voilà tout, sans que l'on puisse les expliquer. ou les reproduire. Lorsque Marie Santeca mourrait, et d'ici peu, forcément, même si la meilleure technologie de la galaxie s'affairait à prolonger sa vie, ce jour-là, les sentiers disparaîtraient avec elle. Et alors, l'avantage qui différenciait les Nihils de tous ces gangs de pillards sévissant dans la bordure extérieure s'évanouirait lui aussi. Marquion appuya sur un bouton de la nacelle médicale de Marie et parla. « Peux-tu nous ramener, Marie ?» La vieille femme l'ignora et le guise effectua un nouveau saut. Marquion s'accrocha instinctivement pour encaisser le choc. Certains arrivaient à peine à rester debout quand Marie Santeca lançait le vaisseau dans l'une de ses petites expéditions, mais il les pratiquait depuis son enfance. « Marie ?» répéta-t-il. Pas de réponse. L'hyperespace tournoyait derrière les hublots et les yeux de Marie le fixaient, décelant là des voix qu'elle seule pouvait voir. Marquion Roux fronça les sourcils. Il pressa une autre commande de la capsule médicale et le corps de Marie tout entier se crispa, parcouru par un léger choc électrique. Il aurait préféré qu'elle ne le force pas à recourir à cette méthode. Fragile comme elle était, il ignorait combien de décharges elle pourrait encore supporter. Son médecin, un Shadrafan rebondi du nom d'Uttersund, avait déjà décrit le cœur de Marie Santeca comme une lanterne de papier. Mais il n'avait pas le temps de la laisser se perdre dans ses pensées. Il avait des plans et des questions. Et les Nihils avaient besoin de sentiers, et les sentiers que leur fournissait Marquion Roux venaient en réalité de cette vieille femme à laquelle il avait lié son avenir tout entier, cette femme qu'il maintenait en vie et bichonnait, et voilà qu'elle voulait simplement emmener son vaisseau à l'autre bout de la galaxie plutôt que de simplement... Il pressa de nouveau le bouton et le corps de Marie se raidit. Lui donner... Encore. Ce dont il avait... Encore. Besoin. Marie Santeca s'effondra dans le berceau de sa nacelle médicale, puis se mit à trembler. Elle ouvrit grand la bouche, de la salive à la commissure des lèvres, et ses yeux se révulsèrent. Une alarme retentit, un bruit sourd et insistant auquel le docteur Uttersund allait répondre, il le savait. Marquion Roux appuya sur un autre bouton et l'alarme cessa. Il se pencha sur la nacelle et regarda Marie Santeca en proie à sa crise. La capsule déclencha les procédures d'urgence. Des aiguilles se déployèrent au bout de bras mécaniques de part et d'autre de son occupante et s'enfoncèrent dans les veines de ses bras malingres tandis que des plaques métalliques glissaient sous sa tunique pour lui stimuler le cœur. « Peut-être que c'est la fin, » pensa-t-il. « Tout ce que j'ai fait, toutes ces années à préparer... Tout pourrait s'achever maintenant, aujourd'hui. » L'idée exerçait sur lui une fascination perverse. Captivé, il fixa le corps minuscule et parcouru de spasmes de Marie Santeca en se demandant si sa vie à lui était sur le point de prendre, eh bien, un sentier bien différent. Son doigt resta en suspension au-dessus du bouton d'appel de Uttersund. Il ignorait ce que cet idiot de médecin pourrait bien faire, mais il était en train d'appuyer au moment où Marie Santeca émit un aboiement de toux sèche. Elle ouvrit les yeux et regarda ce qui l'entourait, stupéfaite. Son regard se fixa sur Marquion et elle lui sourit, un sourire aussi vaste, bienveillant et ouvert que celui d'une enfant. « Eh bien, bonjour Marquion, je me suis encore égaré, pardon. » Tu sais comment je suis quand je nous emmène en voyage. Il y a tant à voir. » Son index se pressa, hésitant, le panneau de commande placé sous sa main, et Marquion sentit le gaze émerger de l'hyperespace. « Tout va bien, Marie. Aucun problème. » Elle fit basculer la nacelle médicale en position verticale afin de le regarder droit dans les yeux plutôt que d'en dessous. L'âge lui embrouillait l'esprit mais pas le regard. Elle le fixait sans ciller, sans hésitation, jamais troublée le moins du monde par les orbes noirs de Marquion. « Très réussi celui-là, en tout cas. J'ai trouvé un nouveau chemin entre Passahana et Herber. Il devrait réduire d'un tiers le temps de trajet, peut-être davantage. Ça va te rapporter gros. » Marie Santeca était prospectrice hyperspatiale depuis ses 6 ans. Il lui était arrivé quelque chose pendant qu'elle parcourait les régions interstellaires inexplorées avec sa famille, et l'accident l'avait changé. Il avait modifié son esprit, l'avait ouvert afin qu'elle perçoive ce que nul autre qu'elle ne pouvait voir, les sentiers. Pendant quelques années, elle avait mis ce talent au service de sa famille, ce qui lui avait permis d'obtenir richesse et renommée. Mais la célébrité a toujours un prix. Les membres de la famille de Marchionneau avaient pris Marie Santeca. Ils l'avaient enlevée, pas la peine de se voiler la face. Ils s'étaient servis de son don pour trouver ce dont ils croyaient avoir besoin à l'époque, puis ils l'avaient simplement gardée, en lui racontant toutes les histoires nécessaires pour qu'elle reste satisfaite et continue à travailler pour eux. Et ils se l'étaient transmise de génération en génération, jusqu'à ce qu'elle finisse par habiter dans le gaze électrique. Marie Santeca semblait croire qu'elle travaillait toujours comme prospectrice. Parfois, elle prenait Marchionneau pour son père, ou pour celui de Marchion, ou sa grand-mère. Parfois pour son fils, parfois pour son geôlier, et parfois pour son partenaire en affaires. Sa perception du temps s'était brouillée au fil des décennies, même si son talent pour dénicher de nouvelles hypervoies n'avait pas diminué. Et il ne s'agissait pas uniquement des sentiers que Marchion demandait pour les raids des Nihils. Marie avait défini de nouvelles routes secrètes dans toute la galaxie, du noyau profond jusqu'à l'espace sauvage. Elle semblait croire que Marchionneau les revendait à la République ou au gouvernement, qu'elle pensait actuellement à la tête de la galaxie. Elle se tenait à cette opinion, quelle que fût l'identité qu'elle lui prêta. En fait, Marchion n'utilisait nullement les nouvelles routes de Marie. Il les stockait dans la base de données centrale du gaze électrique. Un jour, elle lui servirait peut-être. Mais il fallait encore que bien des éléments se mettent en place. Quoi qu'il en soit, Marie Santeca était ravie de penser qu'elle se rendait utile, et lorsqu'elle se sentait heureuse, il devenait plus facile de la pousser à accomplir ce dont il avait réellement besoin. « Merci beaucoup, Marie, » dit Marchion. « Tu peux les entrer dans l'ordinateur et nous allons immédiatement contacter les acheteurs. Tu es formidable. » Marie sourit soudain timide. Elle était si serviable, si ignorante. Marchion détestait dépendre d'elle à ce point. « Et comment se passe ton travail, Marchion? Ce plan ambitieux, tu avances ?» Marchion avait raconté beaucoup de choses à cette femme, des choses qu'il n'avait révélées à aucun autre être vivant. Il se disait qu'il les avait divulguées parce qu'il avait besoin de son expertise, et pas parce qu'il n'avait personne d'autre à qui parler. Il réfléchit à la question qu'elle venait de poser. Les sentiers et Marie elle-même constituaient son héritage, celui qu'il avait reçu de son père. Asgard-Rô n'avait pas créé les Nihils, pas plus qu'il n'avait régné sur eux, et Marchionneau non plus. Tous deux servaient en tant qu'œil, ce qui pouvait paraître impressionnant, mais l'œil ne fournissait en réalité qu'un unique service, les sentiers, en échange desquels les véritables dirigeants des Nihils, les maîtres tempêtes, payaient extrêmement bien. Asgard-Rô n'octroyait pas les sentiers au Nil que pour les crédits qu'il en retirait, toutefois. Il avait un projet de rédemption et de vengeance pour sa famille et pour bien d'autres. Il n'avait pas pu le mener à bien de son vivant et avait donc confié cette tâche à son fils. Accomplir cette œuvre nécessiterait une transformation. Les Nihils devraient changer du tout au tout et ne pourraient rester cette bande de criminels égoïstes, ravageurs et désorganisés. Jusqu'à très récemment, Marchionneau ne voyait aucun moyen d'accomplir cette prouesse, mais à présent il n'avait plus le choix. Pendant des siècles, la République avait laissé la bordure extérieure se gouverner seule, mais la situation était en train de changer. Ils bâtissaient une immense station, le flambeau stellaire, et là où eux parlaient de déploiement galactique, ils ne voyaient rien d'autre qu'une démonstration de force. Les Nihils devaient évoluer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard et que la République ne vienne faire régner la loi et l'ordre en contrôlant la bordure extérieure. Elle et les Jedi, bien sûr. On ne pouvait pas les oublier, ceux-là. « Mon plan se... « Mets en place, » répondit-il à la question de Marie. « Je trébuche sur quelques obstacles, et les prochaines étapes nécessiteront une vraie subtilité. La période est risquée pour moi, d'une certaine façon. En fait, j'espérais que tu puisses m'aider. Marie leva une main frêle et son sourire s'estompa. Oh, tu veux des sentiers? Je suis obligée? J'ai tellement peiné pour trouver cette nouvelle route. Ça m'a épuisée, ça oui. Je peux peut-être m'en occuper plus tard, après une petite sieste. Électrocute-la, pensa Marquionne. Électrocute-la encore et encore jusqu'à ce qu'elle brûle dans cette fichue capsule. Non, une simple question, c'est tout. Je voulais que tu réfléchisses à quelque chose. Le chef t'a concocté ton dîner favori. On peut le faire apporter si ça t'aide. Marie soupira. Très bien, Marquionne, si tu en as vraiment besoin. Tu sais, ton père ne me surmenait jamais à ce point. Il me manque. Le doigt de Marquionne Rowe hésita au-dessus du bouton qui déclenchait les chocs électriques. Son père était mort, il ne marchait pas sur ses traces et ne le ferait jamais. Marie Santeca et les maîtres Tempête pouvaient bien lui lancer toutes leurs petites piques, laisser entendre qu'il ne serait jamais à la hauteur, rien de tout cela n'avait d'importance. Son père était mort. Il prit une profonde inspiration et serra son poing ganté. « Merci, Marie. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. » Il tira de sa ceinture une datapuce qu'il inséra dans un lecteur de la nacelle médicale. Les informations s'affichèrent à l'intérieur de la verrière en ligne bleu clair, série de données décrivant les derniers instants du malheureux Legacy Run lorsqu'il s'était désintégré dans le système Edzal. Marie Santeca y braqua des yeux vifs et les parcourut sans rien manquer. « Oh, les pauvres! Pauvres vaisseaux! Quelle tragédie !» Fit Marquionne. Ça ne s'est pas arrêté là. Des fragments de ce vaisseau sortent de l'hyperespace dans toute la bordure extérieure. Ils ont appelé ça des émergences. Or, il y a un morceau en particulier. Une section du pont qui contenait l'enregistreur de données de vol du vaisseau. Les agents de la République la recherchent parce qu'ils pensent qu'elle leur rapportera ce qu'ils veulent savoir au sujet du sort du Legacy Run. Oui, je vois, dit Marie en suivant toujours les lignes de données qui défilaient dans la verrière de la nacelle médicale. Ils essaient de construire une sorte d'énorme machine en reliant d'innombrables droïdes de navigation et en espérant l'utiliser pour prévoir l'endroit où les pièces manquantes du Legacy Run vont ressurgir. Je veux simplement savoir si c'est possible. Peut-on vraiment accomplir ce genre de choses? Marie n'hésita pas. Elle lâcha un rire étonnamment riche. Marquionne se demandait d'où il pouvait bien sortir. À regarder sa poitrine, on aurait cru pouvoir l'écraser d'une pichenette. « Bien sûr, voyons. Je pourrais le faire à l'instant. Je peux te dire où le moindre fragment du vaisseau va reparaître. Ça ne prendrait pas longtemps. Mais je suis très fatigué. » Marquionne se figea. Tout était clair. À cet instant précis, chaque étape à suivre se révéla à lui. Le parcours comprenait des options, des embranchements, et il lui faudrait prendre des décisions improvisées. Mais il n'existait qu'un sentier possible, une voie qui menait à ce qu'il avait recherché toute sa vie. Son comlink bipa et il le décrocha de sa ceinture. Oui ? Elle vient de faire une nouvelle crise, dit le docteur Utterson de sa voix au perché. « Je l'ai vu sur mes moniteurs !» La voix du Shadrafan l'irritait au plus haut point, même lorsqu'il n'employait pas le ton glacial qu'il prenait en ce moment. « Elle va très bien. »« Non, monsieur! Avec tout votre respect! Elle a besoin de repos, plus de prospection, plus de sentiers, rien d'autre pendant au moins une semaine. Elle est fragile et il lui faut recouvrer ses forces !» « Merci, docteur. C'est compris. »« Vraiment, monsieur? Parce qu'il m'arrive de me le demander. Je crois, Markion coupa la transmission. Il regarda Mari Santeca observer avec un sourire innocent les morceaux du Legacy Run qui semait la mort et la destruction dans le système Hetzal. J'aimerais énormément que tu m'aides, Mari. J'ai besoin de m'absenter pour régler certaines choses, mais je reviendrai plus tard. Peux-tu commencer dès maintenant? Je demande au chef de t'apporter ton dîner. Tu pourras travailler en mangeant. Mari ne répondit pas. Elle lui adressa un vague geste de la main et sa nacelle médicale reprit lentement la position horizontale. Elle sombra de nouveau dans les profondeurs, l'esprit vagabondant parmi les routes sinueuses qu'elle seule pouvait comprendre, tandis qu'elle s'attelait au problème. Markion Rose sortit de la chambre de Mari pour regagner la passerelle du vaisseau. L'équipage du Gaze se composait entièrement de droïdes et de personnels engagés en dehors des rangs des Nihils. Il ne pouvait se fier ni aux nuages, ni aux orages, et encore moins aux foudres. À aucun d'entre eux. Même les maîtres tempêtes n'étaient pas autorisés à entrer dans son vaisseau. Parmi eux, nul ne savait d'où provenaient les sentiers, mais s'ils le découvraient, eh bien, n'importe qui était capable de maintenir une nacelle médicale en état de fonctionnement. Une fois sur la passerelle, une salle splendide, sculptée d'un seul bloc dans le tronc d'un arbre ou rochir, importée de Kashyyyk et façonnée par des artisans pour une somme faramineuse, Markion s'installa dans son fauteuil de capitaine sans un mot pour le personnel qui s'y trouvait. Il tapota le bouton qui déployait autour de son siège des écrans qui l'isolaient du reste du pont et faisaient également office de moniteur com. Un autre bouton, puis Kassav, Panetta et Lournadi apparurent sur les écrans. Laisse-moi deviner. Tu as peur des grands méchants Jedi et tu ne veux pas nous fournir de sentier. Dit Kassav, toujours le premier à parler et le dernier à la fermer. Panetta et Lournadi gardèrent le silence. Je n'ai pas peur des Jedi, Kassav. Mais comme je ne suis pas non plus un idiot, je prends la menace qu'ils représentent au sérieux. Ils pourraient détruire tout ce que nous avons bâti. Kassav parut sur le point de répliquer, et Markion poursuivit donc sans lui en donner l'occasion. Je vous sais tous frustrés de devoir faire profil bas. Pas de raid, bien. Vous vous rappelez cette nouvelle initiative que j'évoquais? C'est en cours. Nous allons faire changer les choses. Je vais vous donner à tous les trois une liste d'émergences. Celles qui ne se sont pas encore produites. Consultez-la et voyez ce que nous pouvons en tirer. Le seul problème, c'est que nous devrons nous passer de sentiers. Il vous faudra planifier vos opérations sans eux. Tactique et technique standard uniquement. Lourna et Pan ne disaient rien, mais ils les voyaient calculer, cogiter, essayant de savoir combien l'opération leur profiterait ou leur nuirait. Quel genre de jeu il jouait, comment en tirer un bénéfice ou le faire changer d'avis, ou s'il était temps de mettre en branle le plan qu'ils avaient certainement mis en place pour l'assassiner, voler tout ce qu'il possédait et s'emparer des sentiers. Pour une fois, Kassav ne s'exprima pas tout de suite. Il réfléchissait sans doute au même problème que les deux autres. « Je suis impressionné, vraiment. » Lâcha finalement le wiki. « C'est plutôt bien fichu. » Mais comme on va se charger de tout nous-mêmes, et que tu ne nous fournis aucun sentier, on devrait partager différemment. Je propose que l'œil reçoive moins d'un tiers. Que diriez-vous de 10%? Ça me paraît juste. Markion lui adressa un sourire qui n'en était pas un. Voilà ce que je peux faire, Kassav, si les émergences ne t'intéressent pas. Je peux les donner à Panetta et à Lournadi, ou à aucun d'entre vous. À vous de voir. Mais si vous bénéficiez des informations de l'œil, le tarif sera le même que d'habitude. Sinon, les sentiers, c'est terminé, pour toujours. On divise les profits comme d'habitude. La loi des trois s'applique. Kassav n'apprécia pas. Markion s'en fichait. La République essaie, elle aussi, de calculer où les émergences vont se produire, et elle interviendra aussitôt lors des prochaines, alors prenez vos meilleurs éléments. Vous vous pointez et vous repartez s'entraîner. Vous pouvez piller un site victime de la catastrophe, ou peut-être exiger une rançon en échange des coordonnées où aura lieu une émergence. Mais faites-le anonymement, en recevant les fonds sur un de nos comptes secrets. Ce que je veux dire, c'est que vous devez agir avec subtilité. Si la République comprenait que quelqu'un sait localiser les émergences à l'avance, cela pourrait la conduire tout droit jusqu'à nous. Et nous n'avons pas besoin d'attirer ce genre d'attention. Il se pencha. C'est entendu. Les maîtres tempêtes acquiescèrent et Marquion Roux coupa la communication. Il réfléchit un moment. Tout était si clair désormais. Limpide. Il appuya sur un bouton de l'accoudoir de son fauteuil de capitaine. « Apportez son dîner à la vieille dame, » ordonna-t-il.